Bon été. Tout pile, 23h. Les toutes dernières informations d'RTL Grand Soir en compagnie de Céline Landreau. Tout d'abord, le Lifeline qui va accoster à Malte et une partie de ses migrants accueillis en France. Oui, quelques dizaines de personnes sur les 234 rescapés présents sur le navire humanitaire. Emmanuel Macron l'a annoncé dans la soirée. Le président français qui tense par ailleurs l'ONG allemande qui a affrété ce navire humanitaire. Il l'accuse notamment de ne pas respecter les règles et de faire ainsi le jeu des passeurs. Le chef de l'État qui évoquera demain au Conseil des ministres l'une de ses promesses de campagne. Le SNU. Oui, les contours du service national universel devraient être en effet dévoilés ce mercredi. Le dispositif touchera à terme 800 000 jeunes par an. À 16 ans, les adolescents devront y consacrer un mois, découpé en deux quinzaines. Une première plus théorique pendant les vacances scolaires pour apprendre par exemple les gestes de premier secours. Une seconde plus concrète qui sera effectuée, elle, dans une association. La CGT Cheminots et Sudrail en grève les 6 et 7 juillet prochains pour le début des vacances scolaires. La CFDT, de son côté, a décidé de suspendre le mouvement après le dernier épisode de grève unitaire qui aura lieu demain et jeudi. Le trafic sera donc une nouvelle fois perturbé. La direction de la SNCF prévoit de faire circuler 3 intercités ou TER sur 5 demain, 4 TGV sur 5 ou encore 2 transiliens sur 3. Le football et l'affiche est belle. La France affrontera l'Argentine en 8e de finale. Car les Argentins se sont qualifiés sur le fil ce soir, victorieux du Nigeria 2-1. Et dans l'autre rencontre, l'Islande a été battue par la Croatie 2-1 là aussi. Mais l'équipe de France devra faire mieux en 8e de finale, mieux que ce qu'elle a fait cet après-midi face au Danemark. Un match soporifique, triste, 0-0 contre les Danois, mais qui permet tout de même aux Bleus de terminer premier de leur groupe. Dans l'autre rencontre, sans grands enjeux, le Pérou l'a emporté 2-0. C'était face évidemment à l'Australie. La météo, rebonsoir Patricia Charbonnier. Rebonsoir à tous, une météo au beau fixe pour demain avec du soleil toute la journée après dissipation de quelques brumes matinales. Du côté du sud-ouest, là, la grisaille pourrait se montrer un petit peu plus tenace. Nous aurons pas mal d'humidité, donc des nuages bas, notamment sur les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et le Gers. Ailleurs, du soleil avec en plus la chaleur qui va monter d'un cran demain après-midi. On attend jusqu'à 27 degrés à Lille et Nancy, 29 degrés à Brest, 30 degrés à Paris et Rennes, 31 degrés à Lyon et Bourges, 32 à Marseille et Toulouse et 33 à Montauban. Merci beaucoup Patricia Charbonnier. Mesdemoiselles, on se retrouve demain 22h, 23h pour RTL Grand Soir. Et il est grand temps de retrouver... Oui, j'espère que vous avez un petit peu travaillé hein, pour ce lancement qui s'avance maintenant là. Ah, vous voulez dire que le cœur des jeunes oui, filles... Oui, le cœur des filles, oui. Oui. Ah, ça se demande pas quoi. Ben non, c'est... Ouais, allez, je vous attends. C'est une drôle de technique que vous avez là pour séduire. Coachland. Oui, oui, non, mais attendez, il y a encore 10 secondes. On a encore 10 secondes. Ah, vous voulez commencer à 23h03 pile. Ouais. George Lang. Voilà, c'est bien. Il est 23h. C'est mieux. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Dites-moi, vous qui aimez le football, monsieur Paco, qu'est-ce que vous pensez du match qu'on a pu voir cet après-midi ? C'est cliché, ça. Hein ? Oui, je sais que c'est cliché. Parce que nous, on n'a pas regardé, peut-être, Georges. Bah, c'est ça, on adore, nous, Georges. Vous pensez que nous, on ne s'est pas ennuyé devant ce match ? Pensez du match. Les experts, allez-y. Oh, là, c'était compliqué. Hein. Ah, c'était, je me suis ennuyé, moi. Bah, voilà, exactement. Si, c'était poussif, soporifique. Et c'était les remplaçants qui avaient une chance à saisir n'ont pas forcément prise. C'est la défense danoise, surtout, qui nous a donné beaucoup de problèmes. C'est une endroit où on fait une vraie analyse. C'est formidable, quoi. Mais c'est ce qu'on nous demande très fort en foot. Il est content, Dédé. Content ou pas ? Oui, alors, lui, il est content. Il dit qu'essentiel est assuré. Qu'on a la première place. Bon, c'est le joueur des sports de Céline Landreau. Ah, j'adore. Il est minuit 5. Bientôt au stade 2, bientôt téléfoot. Téléfoot, attention, tenez-vous prêts, Céline arrive. Je vous embrasse, je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Soirée, dormez George. Bien, on a besoin de vous demain. À tout à l'heure. Demain. Bye bye. RTL. Première radio de France. Vous pensez que mini rime toujours avec petit ? Dans le SUV Mini Countryman, on peut partir avec 4 amis, le chien, les valises, les vélos, les surfs, les raquettes de tennis, le pique-nique. Bref, on part où ce week-end avec le SUV Mini Countryman ? En ce moment, découvrez la nouvelle édition suréquipée Oakwood avec feu LED, toit ouvrant, GPS tactile, coffre électrique, jante 18 pouces. À partir de 380 euros par mois. LLD 36 mois, sans apport, entretien inclus. Mini. Exemple pour un Mini Countryman au coût de 102 chevaux, valable jusqu'au 30 septembre 2018. Conditions sur mini.fr. Les Nocturnes ont 45 ans. 1973. 2018, c'est aussi 45 ans de powerplay. George Lang. En 45 ans, plus de 15 000 powerplay ont été diffusés. J'en ai sélectionné 73 parmi les meilleurs.

et on l'adore. C'est un pensionnaire de la collection. Les Doobie Brothers avec Michael McDonald. Michael, qui est un fou furieux de soul music, qui a repris un nombre incroyable de chansons qui ont été des succès chez Tamla Motown, comme par exemple ce titre de Marvin Gaye. Ça, c'est la version de Marvin Gaye, mais notre ami Michael l'a enregistré également. Non, c'est pas la bonne, hein. On se trompe, parce qu'on l'a déjà entendu, ça. Ah bah oui, en direct, s'il vous plaît. J'ai droit à deux erreurs, il ne m'en reste plus qu'une. Après, ça sera la fessée. Marvin Gaye. Incontournable, intemporel. sa musique qui vous fait vibrer. Toute la musique qui vous fait rêver. George Lang. La collection George Lang. Écoutez. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before your legend ever did. Was tough, the toughest role that you ever played. Hollywood created a superstar, and pain was the price you paid. And even when you died, oh, the press still hounded you. All the papers had to say was that Marilyn was found in the news. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before the legend ever did. Goodbye, Norma Jean. Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cold. Goodbye, Norma Jean. From the young man in the 22nd row, sees you as something more than sexual, more than just our Marilyn Monroe. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. I would like to have known you, but I was just a kid. Candle burned out long before the legend never did. Candle burned out long before the legend never did. Vous l'avez reconnu, il s'appelle Ed Sheeran, Candle in the Wind, une chanson d'Elton John, bien évidemment. Vous écoutez la collection sur RTL, 23h20. Voici James Taylor. L'un de ses premiers succès. There is a young cowboy, he lives on the range. His horse and his cattle are his only companions. Works in the saddle and he sleeps in the canyons, waiting for summer, his pastures to change. And as the moon rises, he sits by his fire, thinking about women and glasses of beer, and closing his eyes as the dogies retire. He sings out a song which is soft but it's clear, as if maybe someone could hear. Good night, you moonlight ladies, rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dreams and rock her by sweet baby James. Now the 1st of December was was covered with snow. So was the turnpike from Stockbridge to Boston. Lord, the Berkshires seemed dreamlike on account of that frosting. With 10 miles behind me and 10,000 more to go. There's a song that they sing when they take to the highway. A song that they sing when they take to the sea. A song that they sing of their home in the sky. Maybe you can believe it if it helps you to sleep. But singing works just fine for me. So good night, you moonlight ladies. Rock-a-bye, sweet baby Jane. Deep greens and blues are the colors I choose. Won't you let me go down in my dream? And rock up our sweet baby Jane. George Lang sur RTL. Go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. Yellow moon on the rise. Big bird Nash et surtout Young. C'est son dernier album. Il s'appelle tout simplement Take Me As I Am. Et ça, c'est le single que j'aime le plus, Down to the Wire, Christopher Cross, qui vient d'ailleurs très bientôt, en novembre, à Paris, à la Cigale. George Lang. La musique que vous aimez, tout simplement, sur RTL. Treat me like a fool. Treat me. Chanson d'Elvis. Love me. Les Little Willies. Avez-vous reconnu la chanteuse? Oui, c'est elle, Nora Jones. RTL. Entrez dans le son de la nuit. Dans le son de la nuit. George Lang. La collection George Lang sur RTL. All through the night. Les nocturnes de RTL, de minuit à 2h du matin. Depuis 1973, la musique a toujours été ma priorité. 1973-2018, près de 45 ans de légende. Une voix. George Lang. La musique. Le mercredi soir, les auditeurs pas comme les autres programment l'émission. Demain soir, à partir de minuit, les nocturnes du mercredi avec Salvatore Adamo. Sur RTL. Salvatore Adamo qui m'a étonné lorsqu'il m'a envoyé sa liste de disques. Vous serez étonné également. Il a une vraie connaissance de la musique anglo-saxonne. C'est un vieux copain. Je suis ravi de le recevoir demain, entre minuit et 2h du matin. Sur la route, dans votre autoradio. En tout cas,

I don't know whether to live or die, and it cuts like a knife. She's out of my life. It's out of my hands. For 2 years she was here, and I took her for granted. I was so cavalier. Now the way that it stands, she's out of my hands. So I've learned that love's not possession, and I've learned that love won't wait. Now I've learned that love needs expression, but I learned too late, and she's out of my life. Out of my life. Damn indecision and cursed pride. I kept my love for her locked deep inside, and it cuts like a knife. She's out. Michael Jackson, She's Out of My Life. Et avant, Tony Bennett et Lady Gaga, Nature Boy. La collection, 23h46. Alors ça, c'est un disque dont je ne me séparerai jamais. Captain Fantastic and the Branded Cowboy. La grande époque d'Elton John avec Bernie Taupin. Le milieu des années 70. Tellement prolifique Elton à cette époque. Captain Fantastic, raised and regimented, hardly a hero. Just someone who's my very clearly a case for cornflakes and classics, two teas both with sugar, please. In the back of an alley, while little dirt cowboys turn brown in their saddles, sweet chocolate biscuits in summer, for it's haymaking, hey ma, do the papers say anything good? All the chances in life for little dirt cowboys. Should I make my way out of my home in the woods? Brown dirt cowboys. The honey the hive could be holding. For there's weak winged young sparrows starving the winter, broken young children on wheels of the winners, and the 60th summer festival wolf flowers a thinning. coming back to see us. Could fool us, for we were spinning out our lines, walking on the wire. Hand in hand with the music and the rhyme, the captain and the king, stepping in the rain. Elton John, 1975. Et il y a quelques semaines, Elton John a proposé à des artistes anglais, américains, de reprendre ses chansons. Et beaucoup d'artistes ont répondu présent. Et notamment ce groupe américain qu'on écoute souvent le jeudi soir dans Double Country, qui s'appelle Little Big Town. Eux, ils ont réenregistré Rocketman. Le vrai titre, c'est Rocketman, and I think it's gonna be a long, long time. Et voilà ce que ça donne quand c'est Little Big Town qui reprend ce titre, signé Elton John, Bernie Taupin. She packed my bags last night, pre-flight. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high. By then, ooh. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. I am at home, oh no, no, no.

Ce sera l'Argentine. Les Bleus connaissent désormais leur adversaire pour les huitièmes de finale. Des Argentins victorieux du Nigeria 2-1 et qualifiés sur le fil puisque dans l'autre rencontre du groupe D, l'Islande a été battue par la Croatie 2-1 là aussi. Mais l'équipe de France devra montrer autre chose pour atteindre les quarts de finale, autre chose que ce qu'elle a fait contre le Danemark. Triste 0-0 et rencontre terne pour le dernier match de poule mais qui permet tout de même aux Bleus de terminer en tête de leur groupe. À suivre aujourd'hui à 16h l'Allemagne qui tentera d'assurer sa place en huitième contre la Corée du Sud. L'Allemagne à la lutte avec la Suède qui affronte à la même heure le Mexique. Et puis ce soir à 20h, encore du suspense dans le groupe E avec Serbie-Brésil et Suisse-Costa Rica. Dans l'actualité également, la France qui va accueillir une partie des migrants rescapés du Lifeline. Quelques dizaines de personnes, a précisé Emmanuel Macron, sur les 234 migrants secourus par le navire humanitaire qui va accoster à Malte. Le Lifeline et l'ONG du même nom, très critiqué tout de même par le président français pour ne pas avoir respecté les règles et faire ainsi le jeu des passeurs. La prison à vie pour Sabrina Couder et Wissem Medouni, les meurtriers de Sophie Lyonnais, le couple qui employait la jeune fille au père, a été condamné à Londres pour son meurtre en septembre dernier. Nouvel épisode de grève à la SNCF. Aujourd'hui et demain, c'est le dernier du mouvement unitaire contre la réforme du rail. La direction prévoit de faire circuler 3 intercités au TER sur 5, 4 TGV sur 5 et 2 transiliens sur 3. Et le début des vacances scolaires s'annonce déjà compliqué puisque la CGT et Sudrail appellent à faire grève les 6 et 7 juillet prochains. Le SNU, le Service National Universel, au menu du Conseil des ministres aujourd'hui. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, il devrait concerner tous les jeunes de 16 ans et durer un mois, découpé en 2 quinzaines. Une première plus théorique pour apprendre par exemple les gestes de premier secours, une seconde plus concrète dans une association. La météo, encore du plein soleil aujourd'hui, mais avec quelques nuages bas sur la Nouvelle-Aquitaine, une grisaille qui pourrait d'ailleurs persister très localement dans l'après-midi. Le temps deviendra aussi plus nuageux sur le sud des Alpes et les Pyrénées avec des averses. Les températures restent élevées, 12 à 19 degrés ce matin, de 23 à 33 degrés cet après-midi de Cherbourg à Montauban. Il fera 27 à Lille et Nancy, 30 à Rennes comme dans la capitale ou encore 31 degrés à Lyon. Les courses à Maison Lafitte, Bernard Glace vous propose de jouer le 15, le 14, le 2, le 17, le 4, le 5, le 8 et le 9. Sa dernière minute, c'est le 8 à Tari. RTL, 24 heures d'info. Évadez-vous en Californie. Parcourez le Tennessee. Promenez-vous dans Manhattan. Écoutez WRTL. George Long. Toute la musique des États-Unis. The others, the others. Doctor, doctor, golden greats. Keep on running. Power plant. Oh well, oh well. WQXI. Les Nocturnes. tube s'appelle Let's Go Sunshine. Et à l'instant, ce qu'on a entendu s'appelait Believe. Vous écoutez les Nocturnes sur RTL. Après la collection, jusqu'à 1h du matin, une autre sorte de musique, mais toujours anglo-saxonne, car je sais que vous aimez ça. Nous sommes là en 1969, c'est l'époque où un nouveau groupe arrive et fait la fusion entre le rock et le jazz. Il s'appelle Chicago Transit Authority à l'époque, du nom de la compagnie de transport urbain dans la ville de Chicago. Par la suite, ils seront obligés de changer leur nom, car ça n'a pas plu à la compagnie d'autobus et de métro. Métro aérien, bien sûr, qu'on voit dans le film des Blues Brothers. Voici Chicago, avec la reprise d'une chanson du Spencer Davis Group, un groupe anglais. I'm a Man, version intégrale. 7 minutes et plus de 40 secondes. I'm speechless, je suis sans voix quand j'écoute ça à chaque fois, et pourtant je le connais ce morceau. I'm a man, Chicago Transit Authority, minuit et quart jusqu'à 1h du matin, les nocturnes, la musique, vous et moi, et rien d'autre. On a écouté tout à l'heure la voix de Michael McDonald dans la collection avec les Doobie Brothers. Et voici maintenant avec son album solo, le dernier, ce qui est paru il y a à peu près un an, Wide Open. When this arm moves from there to arm, you may lose the luxury to have your fun and play it smart. Take your pleasure. Oh, Find It In Your Heart, autrement dit Michael McDonald dans les nocturnes sur RTL et sur RTL.fr. Minuit 22, vous le savez, j'aime vraiment beaucoup Jonathan Wilson qui a fait beaucoup pour entretenir la flamme de cette musique dite de Laurel Canyon, une musique qui est née dans les années 70 et qui a été la musique de l'Amérique de l'Ouest pendant de nombreuses décennies, un peu moins maintenant. Jonathan Wilson avait un studio là-bas, à Laurel Canyon, et puis il avait des ennuis avec les voisins, parce que les voisins ne sont plus les voisins de l'époque, les voisins aiment leur tranquillité. Il faut dire que le prix au mètre carré là-bas est extraordinaire, cher donc, et ils cherchent leur tranquillité dans ces collines, et non plus la musique qui avait droit de cité dans les années 70-80. Jonathan Wilson est parti du côté de Glendale Echo Park. En tout cas, son nouvel album, vous le savez, s'appelle Rare Birds, et sur cet album, il y a une chanson que j'aime bien, une chanson qui s'appelle Trafalgar Square. On va écouter ça tout de suite, si vous le voulez, dans les nocturnes sur RTL. Power Play. C'est pas vraiment le power play, c'est pas ce que je voulais faire, mais ça peut arriver. Jonathan Wilson, qui est venu chanter au Point Éphémère par deux fois il y a quelques semaines, et qui continue à jouer et chanter aux côtés de Roger Waters. Il est passé par Paris il y a peu de temps. Malheureusement, je l'ai raté, puisque j'étais à Nashville, mais il paraît que c'était sublime. Décidément, on n'a pas de chance, hein. C'est pas ça, hein. C'est autre chose, ça ce qu'on a entendu à l'instant, on l'a déjà entendu. Faut vous dire que j'ai un invité dans le studio, et qu'on discute, c'est la raison pour laquelle je me plante parfois. Alors, peut-être que le titre est sur le troisième CD, on va voir. Non, vraiment, j'ai pas de chance. Je vais regarder du côté de mes lecteurs de CD. Vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là ? On passe une promo et puis on fait le point juste après. Les Nocturnes ont 45 ans. 1973, 2018, c'est aussi 45 ans de powerplay. En 45 ans, plus de 15 000 powerplay ont été diffusés. J'en ai sélectionné 73 parmi les meilleurs. 73 titres, un livret de 20 pages, les notes de George Lang, la programmation détaillée en haute définition. Revivez l'ambiance de l'émission mythique des Nocturnes dans un luxueux coffret 4 CD proposé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Ah, ça va mieux. On a retrouvé Jonathan Wilson. Le coquin, il s'était caché. Trafalgar Square. Belle et douce nuit, quoi qu'il arrive. Mon invité, Julien Grosso, est un fou furieux de la musique made in Laurel Canyon. On va en reparler dans quelques instants, parce qu'il est arrivé avec une pépite sous le bras. Oh, c'est pas récent ce qu'il a apporté, mais c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait plus écouté ce genre de musique. Et grâce à lui, on va l'écouter tout à l'heure. Je ne vous en dis pas plus. Jonathan Wilson, donc, avec Trafalgar Square. Il est minuit 31. Je vous l'ai dit, un invité, quelqu'un qui est venu assister à l'émission ce soir. Il s'appelle Julien Grosso et, comme beaucoup de monde, il aime vraiment cette musique qui a été fabriquée dans les années 70-80 aux États-Unis. Et il est venu avec une pépite. C'est John Phillips. Vous savez que John Phillips était l'un des membres des Mamas et des Papas, des mariés à la jolie Michelle Phillips. Il y avait deux autres personnes, notamment Mama Cass, qui était la voix principale, essentielle des Mamas et des Papas. Mais John Phillips n'a pas fait que ce groupe. Il a travaillé avec Scott McKenzie, par exemple, pour la chanson San Francisco. Et puis, par la suite, il a enregistré des choses qu'on oublie parfois. Et c'est bon de se souvenir de ce qu'il a fait, notamment ce titre qui s'appelle Sunset Boulevard, qui est un morceau qui a été méconnu ici du côté de l'Europe, mais qu'on aura plaisir à écouter maintenant puisque Julien est venu avec ce disque. Voici donc ce morceau, écoutez. Sunset Boulevard. Qui n'a pas rêvé d'aller faire un tour sur Sunset? For the Shanghai lady who was blonde and beautiful and all the things the cowboys dream of when they ride the train, broken hearts down Sunset Boulevard. And when I rode that train, my heart started turning hard, my soul. With a lot of Mexican guys all sitting around waiting for a shootout, she took a turn and did a dance. She stole my heart away in front of everyone and everybody there knew just what she had done. Yeah. Phillips, qui faisait partie des Mamas et des Papas et qui est décédé à 65 ans au début des années 2000. Ça, c'était Sunset Boulevard. Je sais que vous êtes nombreux à partir aux États-Unis cet été, faire un road trip. Vous avez de la chance. Moi, je partirai pas cet été du côté de la Californie. Mais en tout cas, sachez que je vous accompagnerai. En pensée, parce que même si j'y vais très souvent là-bas, eh bien je suis toujours très énervé, très excité à l'idée de retrouver les collines d'Hollywood, Sunset Boulevard, Mulholland, bref, tout ce qui fait le charme de cette Californie du Sud. Je suis plus Californie du Sud que Californie du Nord, d'ailleurs. Voilà, c'était un petit côté sympa dans les nocturnes pour nous rappeler que Sunset Boulevard, ben ça interpelle et ça se chante aussi quand c'est John Phillips. Minute 36, voici un groupe qu'on passe souvent avec un nouvel album. D'ailleurs, on va revenir au premier, c'est ce groupe qui s'appelle d'un nom bizarre, Young Gun Silver Fox. Eux, ils perpétuent aussi le son des années 70 en Californie. Je vous propose d'écouter ce titre que vous avez certainement entendu souvent avec moi dans les nocturnes et même dans la collection. You can feel it. Un duo anglo-américain d'ailleurs. Belle et douce nuit avec RTL. C'était donc Young Gun Silver Fox, minuit 40, l'heure du power play. C'est rare que deux jours se suivent avec le même artiste en power play. Je pense pas que j'ai fait ça. D'ailleurs, la prochaine fois que je ferai un livret sur les powerplay pour une compilation, j'en parlerai. J'ai dans le livret de cette compilation qui est paru il y a 2 mois maintenant, je raconte que, sauf incident, on n'a jamais pris 2 fois le même titre en powerplay. Sauf une fois. Une fois, on l'a fait volontairement parce que lorsque le groupe Spain a sorti un album dont le nom m'échappe, mais la chanson c'est Tonight I Leave You Tonight. Là, on l'a choisi comme powerplay. Puis quand on a été virés tous en 2000, on l'a repassé pour la dernière émission. C'est la seule fois où on l'a fait volontairement, choisir un powerplay. 2 fois le même titre. Là, ce soir, c'est McCartney qui revient. Il était déjà powerplay hier. On l'a écouté avec I Don't Know. Ça, c'est Come On To Me. L'album paraîtra le 7 septembre de cette année. Il s'appellera Egypt Station. Et McCartney, bien sûr, nous proposera des titres dont il a le secret. On sait par exemple que l'album démarrera avec un instrumental qui s'appellera Station 1. Il se terminera avec un autre instrumental, Station 2. On sait aussi qu'il y aura une chanson acoustique qui s'appellera Happy With You. On sait également qu'il y aura un titre de 7 minutes, Despite Repeated Warnings. Mais on n'en sait pas plus, on attend. On sait aussi que le disque a été produit par Greg Kurstin, qui a travaillé avec Adele, avec Beck, avec les Foo Fighters. On attend le 7 septembre avec impatience, mais ce soir, on écoute un powerplay. C'est le deuxième de ce double single qui vient de paraître, Come On To Me. Powerplay. Before you turn away, now I don't see the Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will now. L'album I Knew You When, Runaway Train. Dans 10 minutes, 1h du matin. Tout juste le temps d'écouter quelque chose qu'on n'a pas écouté depuis longtemps. Je suis sûr que ça va vous faire plaisir de réentendre ça. Ce sont d'anciens membres d'un groupe qui s'appelle Little River Band. Bertels, Sharrock, Double. Since we started, and the days left now a few. It seems the words said long ago were true. Life goes on forever, and it changes like the tide. There's a meaning for existence, no need to run and hide. We are fighting for our freedom, we are searching for a way, and we live in hope of some eternal day. We are waiting, we're impatient, we're unfaithful, we are true. There's a lesson in the learning of the different things we do. As it was in the beginning, it shall be at the end. We will come full circle to begin again. Search your heart before you die. Is the cost way too high to explain all the tears we have caused throughout the years? When everything is finished and we've done all that we can, will we come full circle to begin again? We will come full circle to begin again. Don't you feel that there's something? It's a long way there. It's a long way to where I'm going. And it's a long way. Everybody knows it's a long way there. Oh, everybody knows it's a long way. I know it's such a long way there. Traveling around, starting getting me down. And I know it's a long, long way. Such a long. Turtles, Sharrock, Gabble. Album Full Circle enregistré live. Trois anciens membres du Little River Band. Un groupe mythique. C'est la fin des Nocturnes sur RTL. Je vous retrouve demain. Attention, demain on est jeudi.